Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça y est, c'est le week-end et c'est l'heure de votre consultation chez Dr Disco et Mr Funk. Alors pour la découverte, on va s'intéresser à Dayton et à son titre The Sound of Music. C'est un groupe funk formé à Dayton dans l'Ohio. Le groupe sort son premier album en 1980 où figure un de leurs plus grands hits, Eyes on You. Ils font les premières parties d'artistes comme Stephanie Mills et Quincy Jones. On les a déjà entendus dans notre émission, ces deux-là. En 1982 sort l'album Fields of Music qui contient le hit The Sound of Music. Le groupe est alors à son zénith. Ils sortiront un dernier album en 1985 avant de se séparer. Place à l'écoute. Like the sound of music. Shabam, shabam, shabam, shabam. Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors aujourd'hui, on ne va pas avoir notre rubrique habituelle des 100 hits. En ce 1er avril, on va rendre hommage à Marvin Gaye. C'est l'anniversaire de sa disparition. Le premier morceau que je vais vous diffuser est extrait de son dernier album, Midnight Love, et ce n'est pas Sexual Healing. Il s'agit de Heavy Love Affair, paru en 1981. Bon, vu que je viens de vous citer Sexual Healing, ça m'a donné envie de l'écouter à nouveau. Je crois qu'il y a pire comme titre, non ? Mais avant ça, 2-3 choses à savoir sur le tube. C'est une chanson écrite à Ostende, en Belgique, et enregistrée dans le studio de Marc Errant, à Oain, c'est près d'Ostende. C'est paru en 1982 sur le label discographique Columbia Records, et il s'agit du premier single de Marvin Gaye depuis son départ de la Motown. La chanson est répertoriée 223e sur les 500 plus grandes chansons de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone. Elle a permis à Marvin Gaye de remporter 2 Grammy Awards à la 25e cérémonie des Grammy Awards. Le Grammy Awards de la meilleure prestation vocale R&B masculine et le Grammy Award de la meilleure prestation instrumentale R&B masculine. Sexual Healing a été reprise par Sarah Connor en 2007. Il y a aussi des chanteurs reggae comme Devon Roussel ou Jimmy Riley qui l'ont reprise. Bon, ça vaut pas l'original. Bon, assez de blabla, place au son, Sexual Healing et Heavy Love Affair. C'est parti. Thank you. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. La chanson n'a pas pris une ride depuis toutes ces années et c'est toujours un régal de l'écouter. Alors le moment est venu d'écouter le maxi. On va se diriger vers First Choice et son titre Dr. Love. Sorti en 1977, il est extrait de l'album Delusion. Alors on a déjà évoqué le groupe avec son titre Let No Man Put Us Under durant une de nos rubriques Les 100 Hits. Ça vous rafraîchit un peu la mémoire, non ? Alors le rythme, il est toujours aussi entraînant, un peu comme celui de ces années-là. C'est parti ! When I'm feeling low, when my love starts to flow, he's got Alors c'est l'heure de la pépite et aujourd'hui on va écouter un bon vieux Cool and the Gang. Alors on va prendre Victory, cet extrait de l'album Forever sorti en 1986. Le titre va se classer 30e en France. A noter que c'est aussi le dernier album où chante James Taylor. De cet album sera aussi extrait le titre Stone Love que l'on a déjà écouté. C'est parti! Ready, it's time. Ah, c'est déjà fini, mais je vais vous dire bonne soirée, bon dimanche, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. We'll be right back.